Chapitre 5e. Composition et style. George Sand ne faisait jamais de plan. Quand elle commençait un roman, elle ne savait pas comment il devait finir. Elle comptait sur lui pour se conduire tout seul. Elle faisait toujours comme dans son Léonce de Teverino qui emmène une dame pour une promenade tout un jour en lui disant « Reposez-vous sur moi. Vous ne vous ennuierez pas de la journée » et qui du reste n'a préparé aucun genre de divertissement et compte absolument sur le hasard. La chose réussit à Léonce. Et ce qu'il y a de plus extraordinaire, c'est qu'elle réussit le plus souvent à George Sand. Le roman se développe lentement, comme à son propre gré, ainsi qu'une histoire réelle qui ne sait jamais où elle va, et il en résulte, sauf les écarts mélodramatiques, une très grande ressemblance avec la vie. Il se compose même, jusqu'à un certain point, en ce sens qu'il circule d'ordinaire autour des mêmes lieux et des mêmes personnages, sans s'en écarter, et forme comme un tableau familier à la vue. Cette manière de conter rappelle tout à fait l'allure un peu nonchalante de la nouvelle Héloïse ou des Natchez. Elle a ses avantages et ses inconvénients. Les romans ainsi faits plaisent infiniment à la lecture et deviennent indécis dans le souvenir. À les lire, on s'y laisse aller avec un grand charme. Il donne l'illusion d'une société intime avec les personnages. On croit y vivre. Quand on cherche à se les rappeler, on ne s'en rappelle rien, sinon qu'ils étaient charmants, comme d'une période de sa propre vie, qui n'a pas été arrangée et concentrée, qui n'a pas formé anecdote, on ne s'en rappelle rien, sinon qu'on y a été heureux ou désolé. Tous ces procédés qui sont comme les articulations mécaniques du roman qu'on appelle dramatique, revirement, suspension, dénouement inattendu, mais logique, sont choses dont George Sand s'embarrasse peu. Elle laisse vivre les personnages dans sa pensée, s'aimer, se fuir, se retrouver, selon le cours naturel de leurs sentiments et sous la pression de quelques circonstances peu importantes, et les tue ou les marie à la fin du volume. Elle a le droit de procéder ainsi, et grâce à l'aisance aimable de son imagination, c'est très agréable. Pour ce qui est des caractères, le procédé est un peu trop le même. George Sand ne tient pas infiniment à ce qu'un personnage reste absolument fidèle à lui-même d'un bout à l'autre d'un roman. Le servetur ad imam est une règle assez souvent oubliée par elle. Chez tel romancier contemporain, chaque personnage, à intervalles à peu près égaux, dit la même phrase ou fait le même geste. C'est pour marquer fortement l'unité du caractère. George Sand est aussi éloigné que possible de cette rigueur. Il arrive souvent, au contraire, que ces personnages sont très différents à la fin de ce qu'ils étaient au commencement. Au cours du récit, elle a eu besoin qu'André ou Pierre eût telle qualité ou tel défaut que jusque-là on ne lui connaissait point. Elle le lui donne. Cela est d'un procédé bien primitif. Oui, mais dissimulé le plus souvent par un art infiniment délicat. C'est par une suite insensible, par des dégradations insaisissables qu'un caractère se modifie ainsi. Nous ne pouvons pas surprendre le moment précis de sa défection. On le voit différent sans l'avoir vu changer. Là aussi, il y a une certaine ressemblance avec la vie. Le personnage n'étant point immobilisé en une attitude, souriante, furieuse ou triste, de maniaque ou de figure de salon de cire, mais changeant lentement sur un fond permanent, comme nous voyons que font au cours de la vie selon les temps, ou simplement selon leurs humeurs, ceux à l'existence de qui nous sommes mêlés. Il y a, bien entendu, une limite à cette liberté d'évolution des caractères, et je reconnais que George Sand la dépasse quelquefois. Tel de ses romans, comme Consuelo, n'a véritablement aucune espèce d'unité à quelque point de vue qu'on s'ingénie à se placer, et est trop considérable pour se dispenser d'en avoir. Dans tel autre, le défaut choque plus qu'ailleurs parce que l'auteur s'est proposé quelque chose à prouver. On comprend bien qu'un roman qui prétend contenir une démonstration est tenu d'être rigoureux. Que Mademoiselle Berquem, qui est charmante, n'ait pas tout à fait le même âge aux différents épisodes d'une histoire qui dure un an, peu m'importe. Et même, il ne me déplaît pas, car je sais bien que je n'ai pas le même âge, moi non plus, selon le temps qu'il fait ou les visages que je rencontre. Mais que Mademoiselle La Quintini nous soit donnée comme catholique au commencement, et qu'au milieu, elle nous dise qu'elle n'a jamais cru à certains articles très importants de la foi catholique. Il faut avouer que cela rend très facile sa conversion, mais très inconsistant son caractère et, du même coup, détruit l'intérêt. Et cela est si vrai que l'intérêt, en effet, l'auteur, à partir de ce moment, le fait glisser sur toute autre chose. Il y a un certain nombre d'exemples de pareille infidélité à l'idée première. La mobilité féminine se retrouve ici, le peu de goût qu'ont les femmes pour aligner régulièrement de solides raisonnements bien équarris. Je ne lui en fais point un reproche, mais quand je la vois entreprendre soit un roman à théorie, soit un roman à grand caractère, je la quitte tout doucement et vais reprendre soit une libre fantaisie comme Téverino ou le Château des Désertes, soit une pure idylle, rustique ou bourgeoise, Petite Fadette ou Villemère. Il faut toujours en revenir là. Le style de George Sand a été admiré par les contemporains à l'égal des plus illustres. Il en faut certainement rabattre un peu. Aux yeux de la postérité qui n'aime que les écrivains concis, George Sand aura un grand tort, elle aime à parler. Madame de Lafayette, sans doute depuis qu'elle était liée avec la Rochefoucauld, se plaisait à dire « Toute ligne retranchée vaut un livre, tout mot retranché vaut un sou. » Ce n'est pas de cette façon que Madame Sand a fait des économies. Elle s'abandonne et se répand. Mérimée affectait de se désintéresser de ce qu'il disait. George Sand s'amuse un peu trop de ce qu'elle écrit. Mérimée traite toujours un roman en nouvelles. George Sand donne à la moindre nouvelle les proportions d'un roman. Elle sentait qu'elle avait en elle une source inépuisable et ne savait pas la contenir. Il y a quelques-uns de ses romans, surtout dans la première et la seconde manière, qui semblent des exercices de style, les lias, les sept cordes. C'est là que les auteurs de morceaux choisis iront puiser. À vrai dire, ils n'auront pas tort. La richesse et la souplesse du style y tiennent quelquefois du miracle. L'eau, le lever du soleil, la solitude, première partie de l'Elia, la symphonie de la lune, cette corde, sont des chefs-d'œuvre de peinture large, de styles nombreux, éclatants et magnifiques, des morceaux de maître. Mais ce sont des morceaux, et je le regrette un peu. Il me semble que, comme tous les artistes qui sont trop bien doués, elle a besoin d'une contrainte. Quand elle s'astreint à parler, non point le langage qui coule naturellement de ses lèvres, mais le langage d'un autre, cela lui est une rigueur salutaire qui double sa force. Écrire tout un roman dans le style dont userait un paysan s'il était né avec l'imagination d'un poète semble une gageure. Elle l'a gagné dans Jeanne, dans La Mare au Diable et surtout dans ses merveilleux maîtres sonneurs. La fraîcheur et la nouveauté des images, la verdeur vivante de l'expression y sont un charme que personne, au XIXe siècle, n'a possédé à pareil degré. Quand on compare ces beautés originales aux prouesses de style de l'Elia, on sent toute la différence qu'il y a entre écrire admirablement, mais à l'imitation de la littérature du jour, et écrire fortement, soutenu à la fois et maintenu par le sujet qui vous anime, vous excite et vous maîtrise. Elle n'a pas toujours été aussi haut, mais, même dans ses romans de la dernière manière, cette façon abandonnée et facile, dans une distinction naturelle qui ne se dément pas, qui ne peut pas se démentir, a bien son mérite. C'est une abondance douce et égale, un style plein, savoureux et frais, qui semble sentir le lait. On comprend, en lisant George Sand, bien mieux qu'en lisant Tite-Live, ce que Quintilien entend par son Lactea Ubertas. Elle repose de Michelet, et Fénelon l'aurait aimé. Ce sont deux grands éloges, mêlés de deux légères critiques. En somme, elle est de ceux qui ne séduisent point et qui captivent. C'est de ceux-là qu'il est très difficile de se défendre. Je conseille à ceux qui ne l'aiment point de ne pas la lire. Il y aurait péril pour eux. Il est des auteurs qu'on aime passionnément et dont on revient. Il en est d'autres qu'on goûte doucement, sans fanatisme, sans alarme aussi, et auxquels on reste attaché. George Sand est du nombre. Le goût que l'on prend d'elle est une sorte de sympathie. Son style nous devient un ami. On se détache plus facilement d'un enchantement que d'une amitié. George Sand a occupé une place très considérable dans la littérature du XIXe siècle. Elle a renouvelé l'idylle, elle a transformé le roman. À égale distance du roman d'aventure, si puéril, et du roman purement réaliste, si pénible, elle a eu un genre moyen où il entre du romanesque, où il reste de la vérité, où une poésie douce et une sensibilité délicate trouvent leur place, et qui pourrait bien être le vrai roman français. Son influence, peu sensible chez nous, était grande à l'étranger. Turgenev, George Eliot, Dostoïevski l'ont passionnément admirée. Elle a trop tardé, à mon gré, à être elle-même, ce dont tant de gens savent si tard et d'aucuns jamais. Dans sa jeunesse, elle aimait à porter le costume masculin. Plût à Dieu que ce n'eût été que matériellement, mais elle aimait aussi à s'affubler des idées des hommes de son temps qu'elle portait gauchement et où elle restait un peu empêtrée. Plus tard, elle est devenue ce qu'elle était en son fond sans s'en douter, un peintre admirable de scènes rustiques et un narrateur ému et gracieux des sentiments tendres du cœur. On ne l'a point surpassée en ces deux affaires. Elle a perdu quelque temps à revêtir d'un beau style un peu appris des chimères un peu empruntées. Elle a eu ensuite une assez longue carrière pour écrire toute une œuvre sincère, fine et douce, d'une tendresse féminine exquise. Vera Inkesu Patui. Elle a été souverainement gracieuse et aimable depuis qu'elle a perdu l'habitude de se déguiser en homme. Ainsi s'achève Georges Sand par Émile Faguet.